Ouvrir le bulletin de sport local et régional en parlant des Gaillards de Jonquière qui ont remporté une victoire de 45 à 13 sur le Collège d'Antique. On est revenu hier dans la section entrevue avec Jordan Fortin, le porteur de ballon natif de Tolbeau-Mistassini. Jordan Fortin qui a mentionné dans un premier temps qu'il n'a vraiment pas réalisé sur le coup que les Gaillards avaient gagné, mais par la suite, ça a été l'euphorie. Ben, on s'en rend pas compte tout de suite. C'est après qu'on se dit que ça a payé tout ce qu'on a fait. Là. Ça fait longtemps qu'on travaille pour ça. Ça fait plus qu'un an, tu sais. Ouais. Et tous les entraînements hivernales, puis tout, on a travaillé fort pour ça. Puis c'est là qu'on le constate, c'est dans cette semaine-là qu'on se dit que ça, on est champion. Ouais. Tu es revenu évidemment sur le match contre Saint-Hyacinthe, qui a certainement été le point tournant de la saison. Selon Jordan Fortin, les Gaillards avaient mal commencé la rencontre. On a sorti, on a mal débuté le match. C'était plus tannant, mais on ne sait pas. Puis c'était vraiment le temps. Deux minutes de moins, puis la game, on part bailler. Ben, c'est sûr. Puis c'était un match pour toi, hein, quelque part. Il y avait une compétition de patinage de vitesse sur courte piste qui s'est déroulée en fin de semaine à la place Belle. Et ça servait de qualification pour les championnats canadiens juniors qui ont eu lieu à Calgary du 14 au 16 décembre. Donc, à noter que du côté des six patineurs de la région qui vont se qualifier, il y en a trois de la région. D'abord, à noter que Rosalie Tremblay de Saint-Félicien a obtenu la médaille d'or aux 500 mètres et a obtenu son laissez-passer. Il y a également Karina Momigny au niveau junior qui ira également à Calgary, de même que Mélina Tremblay. Il y a Flavie Laroche-Roy tant qu'elle au niveau senior qui a terminé en 40e position. Donc, malheureusement pour la patineuse de Roberval, elle n'ira pas là-bas. Club de patinage de vitesse il y avait une compétition également de patinage artistique qui s'est déroulée en fin de semaine. Ça s'est déroulé à Alma et il y avait des patineurs du club Les Perles Bleues de Tolbeau-Mistassini qui étaient là-bas. Médaille d'or en catégorie Star 4 de moins de 13 ans, Maisie Bergeron. Ruben Or catégorie Star de moins de 13 ans, Florence Richard. Au niveau du ruban argent catégorie Star 1, Sophie Leblanc, Annabelle Simard, Megan Thibault et Taïla Tremblay ont obtenu cette étape. Catégorie 5, Elisabeth Goulet a obtenu également un ruban argent. Médaille de bronze également catégorie Star plus 5 pour Amy Bergeron. Ruban de bronze pour la catégorie étape 5 pour Marie-Lou Bouchard, Magali Hudon et Léa Talbot. Ruban participation maintenant, catégorie 5, Noémie Boissonneau a obtenu son ruban. Et le club désire féliciter Amélia Saint-Pierre, Noémie Bouchard, Elisabeth Paré, Meggy Allard et également Sakia Duchesneau qui ont également participé à cette compétition. Le sport local et régional, à DanRadioSport.com, on s'en occupe.